chacun pour soi. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, nous allons percer nos continents comme ça. Again and again and again, on pense chacun pour soi. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, nous allons percer nos continents comme ça. La corruption ronge le cœur de nos démocraties. On n'a plus aucune confiance en aucun parti. Le scandale et l'indignation ont fait place à la banalité. On laisse nos valeurs lentement s'atténuer. Cessons de nous laisser faire et de regarder en arrière. Il est temps d'être fier, d'être libre et réfractaire aux lois et décrets qui vont à l'encontre de nos droits. C'est nous qui décidons, il est temps de lever le doigt. Puis que la vie au vif est rentrée dans ta désamorphose. Cette refus de vivre et ne jamais se dire qu'on est sa feu. Toujours se rappeler qu'on ne fait juste que passer à la passons dans le bruit. Et crions notre liberté. Puis que la vie est fait rentrer dans ta désamorphose. C'est trop stupide et ne jamais se dire que les sortes. Je se rappelle qu'on ne fait juste que passer. Alors passons dans le bruit et crions notre liberté. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, nous allons passer nos continents comme ça. Again and again and again, on pense chacun pour soi. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, ça n'a pas si nous continuons comme ça. Le temps que j'en craigne que le peuple m'écoute, que les choses enfin changent. Oh, ils seront déjà légiférés. Mais faut pas désespérer, au contraire mon frère, il faut s'organiser. Si on peut espérer l'emporter, on ne fait que passer. Alors passons, passons dans le bruit. Y'a des raisons où tous ensemble nous marcherons dans la même direction. Il ne faut pas seulement revendiquer, mais ça fait rire faire des projets. Alors laissez faire vos idées. Vu wow, que la vie au vif est rentrée dans ta désamorphose. C'est trop du vide et ne jamais se dire qu'on est top. Toujours se rappeler qu'on ne fait juste que passer. Alors passons dans le bruit et crions notre liberté. Vu que la vie au vif est rentrée dans ta désamorphose. C'est trop du vide et ne jamais se dire qu'on est top. Toujours se rappeler qu'on ne fait juste que passer. Alors passons dans le bruit et crions notre liberté. So again and again and again, on pense chacun pour soi. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, nous allons percer, nous continuons comme ça. Again and again and again, on pense chacun pour soi. So again and again and again, on pense chacun pour soi. Oh oh oh oh, nous allons percer, nous continuons comme ça. Puisqu'on est censé être libre, censé être libre, censé être libre. Puisqu'on est censé être libre, censé être libre, censé être libre. Moi, le premier, je ne suis pas toujours fier de la façon que j'ai d'agir. Je me perds dans mon quotidien égoïste, possédé par mes affaires. Je ne suis donc pas un saint, mais écoutez ma prière. Je souhaite qu'on prenne conscience, nous voit par l'Occident, de la gravité des mots affichés par nous et nos parents. Puisque ce système est censé être le nôtre, il est temps de reprendre les rênes et d'assumer nos fautes. Le fait de la faire chuter figera toujours les plus timides, mais être modéré c'est jouer le jeu des plus habiles. Entre les deux il doit bien y avoir une solution solide. Indignons-nous, crions, faisons trembler la pyramide. Faisons trembler la pyramide. Faisons trembler la pyramide. Faisons trembler la pyramide. Puisqu'on est censé être libre, censé être libre, censé être libre. Puisqu'on est censé être libre, censé être libre, censé être libre. Again and again and again, again. Again and again and again, again.